Pas très bien en espagnol. I'm sorry. Cuando na ontina, nada o que es, cuando todo era. Senza esperare. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Quando ti frio tremi, quando ti coraggio ligui, quando chego carta apri, quando ouvi prensi densi, densi. Quand je n'avais rien, je voulais tout. T'étais absence, j'ai attendu. Quand j'ai eu froid, j'ai tremblé. Et quand j'ai eu le courage, j'ai appelé. Quand j'ai reçu une lettre, je l'ai ouverte. Oh, ça s'est transformé en Rasta. Ah, y'a plus de bassiste. Ok. Maman, maman, maman. Ok. Play bass. Okay, restart. I restart the song. Are you ready to play a song? Are you ready to play Jamaica? Jarastafari. Quando na ultima. Nada o que es cuando todo era ausencia espera cuando está frío tremi cuando tive coragem ligue cuando chego carta abre cuando houve presidência oh, quando je n'avais rien, je voulais tout. Quand tu étais absent, j'ai attendu. Quand j'ai eu froid, j'ai tremblé. Mais j'ai le courage, je t'ai appelé. Quand j'ai reçu une lettre, je l'ai ouverte. Quand j'ai écouté Prince, j'ai dansé. J'ai dansé toute la nuit. Et dans mon œil qui brillait, j'ai compris. Quando crié senza svolta, quando me chiamo vin, quando me chiamo vin, tava aqui quando feia. Come on! Quand j'ai eu des ailes, j'ai volé. Quand tu m'as appelé, je suis venu. Quand je me suis rendu compte, j'étais déjà là. Quand je t'ai rencontré, je me suis perdu. Quand je t'ai vu, je me suis passionné. Oh la la la la. C'est pas un texte reggae. I'm looking for you. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. If the world of the rest I might say. Okay, I restart to sing. Are you ready to play Rasta Man? If the world of a Rasta Man say Babylon, you jungle down. Babylon, you jungle down. Become though. Say I am the world of the item and say Babylon, you jungle down. T'entends les mots du Rastaman qui dit Babylone, ton trône va s'effondrer. J'entends les mots du Rastaman qui dit Babylone, ton trône va s'effondrer. Alors je dis, envolez-vous pour les Zion. Envolez-vous pour les Zion. Clair matin, quand mon travail sera fait, l'homme s'envolera. If the wrong of Rastaman say, Babylon, you don't go though. Everyone of the Rastaman say Babylon, Babylon. Come on. Babylon, your jungle door. Everyone of Rastaman say Babylon, your jungle door. T'entends les mots du Rastaman qui dit Babylon, ton trône va s'effondrer. T'entends les mots du Rastaman qui dit Babylon, ton trône va s'effondrer. Come on. Here's a bus. Thank you.